bassiste, leur navigateur Maxi. www.com Communication digitale 0. Raymond. Raymond, on avait très bien commencé. Mais il faut vérifier le son avant le spectacle. Voyons donc, on décroche trop rapidement les contrats. On arrive sur place. On amène on place les fils, on branche ça, ging, boing, doing, twing, twing, twing, ou notre votre l'heure. Puis on fait pas des vérifications sonores. C'est du grand bazar. Saint-Michel Fugain, quoi. Et là, je suis très attristé parce qu'on était très... On sentait la pulsion, puis la suite après M. Arthur, là, on se disait, ça peut pas aller mieux que ça. Puis là, regarde-moi ça, l'écho. Il y a trop d'écho. Attendez, là. Tu m'as dit que j'étais fait pour une drôle vie. J'ai des idées dans la tête et j'ai fait ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si tu me réponds, qu'est-ce que tu diras? Et si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Oh! Même si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres t'aiment, tes drôles de poèmes, je viens avec toi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je t'en demanderai, je t'en béni, je te demanderai toujours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si tu me réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu vas dire, Gaétan? Tu penses que c'est pas adressé à... C'est adressé à toi, ma belle. Même si je sais que tu aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même... Ah! Il y a du vin! La feuille a plié! C'est ça, faire des spectacles en plein air. Regardez-moi ça, là. C'est... Le monde sont étalés sur le gazon. Il y en a certains, là, des habitués de Woodstock. Ils sont en train de le fumer. Moi, c'est pas un pipe, moi, c'est en direct. En direct de l'herbe. Ben oui, mais là, déracine-le, fais quelque chose, chèche-la. La sève, ça va te monter là, au cerveau, puis t'es déjà fragile là, au, à ce niveau-là. Là. Wow. Ça m'apprendra. Moi je suis du genre impulsif. Impulsif. Là, on me dit Reynald. Déjà là, on me prénomme, on m'appelle. Quand on m'appelle, moi, normalement, j'arrive. Là, tu sais, je suis docile. Je vais au pied. J'évite de faire un petit pipi. Parce que je suis très fort quand on dit Reynald, je lève le petit homme de pipi. Mais non, mais. Puis là, on m'appelle. Avant ça, j'attendais le téléphone. Le téléphone ne voulait pas sonner. Je le faisais sonner moi-même. Je faisais. Hein, ça sonne? Hein, c'est pour moi? Ah, je vais prendre l'acoustique. Willow? La personne s'est endormie. J'ai pris trop de temps. Mais je suis pas... Comment... Écoutez, là, ça va pas très bien ces temps-ci. Je me demande après combien de sonneries qu'on doit répondre. Si on le fait... vous allez me dire, ça dépend. Ça dépend que si tu attends un appel. Par exemple, vous savez là, la chanson, là. Tu m'as dit que j'étais fait pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'amène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si tu me réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Bon. Si tu sais qu'au bout du fil, c'est la fille à qui tu as donné le numéro de téléphone il y a 5 heures, tu l'as rencontrée au supermarché, là. L'endroit idéal pour voir, examiner des produits, normalement, des produits comestibles, quoique... Dans l'amour, tout est comestible, là. Mais tu dis, je m'en vais faire mon marché, mes emplettes. Je m'en vais faire mes emplettes. T'as ton panier. Tu prends toujours celui, malheureusement, qui a la roue qui fonctionne pas, là. Puis là, tu forces, puis là, t'as l'air d'un ici. Puis là, tu vois qu'il y a du monde qui savent très bien que s'ils l'ont pas pris, c'est qu'il y a une feuille de salade coincée dans la roue. Toi, tu donnes des petits coups pour avoir l'air très, tu sais... Au-dessus de tes affaires, moi. Hey, pas la première fois que je vais au supermarché, moi. C'est pas la première fois. Tu gardes tes verres fumés. Tu veux passer incognito. Si tu fais de la radio, t'es connu, t'es Reynald Gagné. T'es pas le petit truc de cul, là, des voyeurs d'or. Fait que là, à un moment donné, tu te rends bien compte qu'il faudrait que tu appelles ton professionnel de la lunette, puis demander, foncez-moi encore plus ça. Foncez-moi encore plus ça. Lui, il comprend, enfoncez-moi encore plus ça, là, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis là, c'est que tu vas au supermarché, tu rencontres la fille de tes rêves. Là. Pas parce que, oui, les risques t'ont chatouillé, mais tu l'entends discuter avec quelqu'un au téléphone. Téléphone, cellulaire, ça vient là que c'est un cellulaire, il n'y a pas de fil. Là, je faisais attention avec ma roue, désalignée pour ne pas piler sur son fil parce que c'est quoi? C'est quand tu parles là-dessus, là, hein, c'est virtuel. Tu veux pas couper son côté virtuel, là. 95% du peuple, qui vit dans la facilité, fonctionne avec ça. Facilité, entre guillemets, là. Bon, tu travailles pas, mais tu reçois un chèque. Fait que, facilité, hein? Il y a d'autres pays, d'autres endroits dans le monde où tu travailles pas, t'as rien. Rien. Fait que je pense que la virtualité pour eux, là, c'est rien. Hein? Bon. Fait que là, tu rencontres. Bon. Quand vous entendez un bond de ma part, là, c'est pas que je bondis, mais c'est que c'est un point final. Pour enchaîner sur une autre vision, une autre version, un autre tableau, tiens. Comme autre. Voilà, madame, vous avez raison. Comme un peintre. À un moment donné, là, Pollock savait pas comment finir ses toiles. Ses toiles renversées avec ses peintures qu'il laisse tomber. Comme le séchoir. Hein? Séchoir, elle sèche. C'est compliqué, ça, là. Oui. Exactement. Pollock laissait pleurer ses couleurs sur la toile. Prenez ça en note. C'est beau, là. Ce que je viens de dire, là, c'est beau. Là. Écoutez, moi-même, je trouve que c'est beau. J'ai comme la gorge serrée. Puis je sais même pas si je vais continuer l'émission. Tellement que ça m'arrive de me surprendre moi-même. Je m'auto-surprends. Puis j'ai même pas de permis de conduire. Ils vont m'arrêter. Aller en prison. Je vais finir mes jours là-dedans, enfermé. Ben, quoi que, je suis enfermé dans mon corps en même temps. Fait que, enfermé dans l'enfermement. Oui, c'est comme si tu te procures un produit, on te l'emballe, puis dans l'emballage, on te remet un autre emballage, puis un autre emballage, puis un autre emballage. À un moment donné, c'est comme un cauchemar. Tu cours, mais t'avances pas. Fait que, t'es au supermarché. Le supermarché. La chanson de M. Arthur, là. La caissière du super, la chanson, la chanson, la caissière du super, c'est super, super, super. Pas de super. Moi, pas de super, pas d'extra, madame. Mais non, ma loterie, non. Pas de super, pas d'extra, puis en passant, pas de loto non plus. Non, non, parce que le gouvernement vient piger dans mes poches directement, fait que je vais pas l'encourager dans son vice vicieux. Vous allez me dire qu'un vice, normalement, c'est vicieux. Mais dans le cas du gouvernement, c'est vice-vicieux. Donc, il y a un doublon. Du houblon. Non, eux autres, ils n'en ont pas de houblon. C'est ça le problème. C'est qu'ils nous font payer pour qu'on achète moins de houblon. Pour qu'on devienne hypnotisé au travail. Pour qu'on dise à chaque fois, « Voulez-vous faire des heures supplémentaires, Monsieur Gagné? » Écoutez, je dois déjà... 250$, je fais quoi? Je fais 22$ par mois, 300$ par année, ouais, je vais prendre les heures supplémentaires. Voulez-vous que ce soit couché sur le chèque? Ben, coucher, moi, aller me coucher, mais non. Ben, coucher, non. Ben, c'est quoi l'autre vision, l'autre façon de faire? Ben, c'est soit comme en argent sonnant. Oh mon Dieu, il va me payer 3-4 cents. Hey, les scènes noires, ça n'existe plus, hein, vous savez. Ben oui, on le sait, voyons donc, on est dans le système depuis le temps, là. Depuis le temps, oui. Depuis le temps que je me fais exploiter. Mais, hey, t'es là-bas. Hey, non, mais ça veut dire qu'un court-circuit vient de passer du palais jusqu'au cerveau. Croyez-moi, ça fait mal. Aussi fort que lorsqu'un lutteur se couche sur vous, se lançant du troisième câble. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Vous êtes dans un amphithéâtre. Il y a de la lumière. Vous êtes dans le milieu. Vous êtes couché. Là, vous voyez un gros jambon. Un gros jambon. Pas un petit, là. Pas le petit anorexique. C'est le cure-dent. C'est pas le cure-dent que tu vois, là. C'est le gros tas, là. C'est lui qui fait... Et là, tu dis, voyons donc. Tu fais ta prière. Je vous salue, Marie, pleine de basse. Basse, mais mettez de l'aigu, pas de la basse. Parce que c'est quand il y a de la basse, ça monte pas. Très facile à comprendre, ça, là, madame. Bon. Fait que mettez de l'aigu. Puis là, ben, je sais qu'il va tomber sur moi, donc je serai exigu. Ah, ce sera exigu dans mon parcours. Ben, surtout dans. Dans un mot, je risque d'être étalé. Ben, je suis déjà étalé, mais je serai effoiré. Le terme est. Hein, le mot effoiré, ça. Hein, ça. On voit plein d'images, hein? Hey, mon chien, je l'ai laissé, j'ai pas laissé, mais il a quitté la laisse familiale. je l'avais mal attaché, puis à un moment donné, il s'est mis à courir en plein milieu de la rue, puis il y a une voiture qui l'a effoiré. Là, tu le vois. Quand je l'ai pris, il était tout plat, tout comme une raie. Rénal, il était comme une raie. La mère, dans l'eau, il y a une raie, tu sais, c'est long, puis avec les ailes bizarres, là, ça vole pas, mais ça vole dans l'eau. Essayez de voler dans l'eau, vous, Madame Thibodeau. C'est-tu beau, le disco? Non, mais essayez de voler dans l'eau. Wow! C'est-tu beau, le disco? Madame Thibodeau! C'est-tu beau, le disco? Madame Thibodeau! C'est-tu beau, le disco? Madame Thibodeau! Madame Thibodeau. Est-elle encore à l'intérieur, elle-là, là? Avec son fauteuil déroulant? Ça, c'est une histoire à fuir. Je me suis même pas mis au courant de ça. Je préfère me placer loin de la société contemporaine. Alors là, je suis dans le supermarché! Bon. Je vois la fille. J'entends surtout son discours. C'est ça qui m'allume. Moi, les gens qui ont du vocabulaire... Hein? Oui, je sais, j'ai foiré le vocabulaire, ouais, excusez-moi. Non, mais moi, les filles qui ont du vocabulaire, là, pour moi, c'est gagnant. Moi, c'est Renal Gagné. Hein? Pardon? On dit pas hein, on dit pardon, voyons donc, là. Vous êtes de la haute. Ben, de la haute, moi, je reste au sol, comme je l'ai dit dans l'avant-dernière émission, mais je suis dans la haute. C'est pas parce que t'es dans le sous-sol que tu peux pas être dans la haute, là. Mon habitation est en dessous. Proche de mes confrères. Mes consoeurs. Mes convives. Mes comptes au cours. Puis il y en a du compte au cours. Ah, mais les comptes au cours sont souvent au premier étage. Ah, il y en a du compte. Oh, tu te rends compte que les cornichons sont pas tous d'impôts. Puis ils payent pas d'impôts. Eux autres, ils payent jamais d'impôts, ces cornichons-là. Pourquoi? Parce qu'ils savent contourner. Quand ça contourne, là, hey, on rit plus avec ça. Moi, je me dis que depuis à peu près un an, le gouvernement me suit de près, là. Hey, on m'a demandé, il y a deux semaines, de payer mes impôts de 2014 parce que je les avais pas, voyons donc, vous. Comme si j'oublie, je peux pas jamais oublier mon Québec profond. C'est le gouvernement du Québec, c'est pas le fédéral, là. J'ai dit, hey, gouvernement, tu m'as demandé cette année de te payer 1 800 $. Puis tu me demandes encore pour 2014 de te payer 250 $. Je reviens de Paris. Où j'ai valsé avec les artistes. Des gens drôles, des gens rigolos, des gens plus que beaux, et quelques tristes. Et tu me demandes mon impôt provincial de te payer un arriérage. Mais oui, mais m'a-t-elle payé? Écoute, si ça me coûte 240$ pour me séparer du fédéral, m'a-t-elle payé avec grand plaisir. Si tu veux, je rajoute un zéro, 2400$ pour officiellement me séparer du Canada. Moi, t'as le donné avec grande joie, mais là, rajoute pas un autre zéro, j'ai pas les moyens financiers, moi, là. Je suis pas le propriétaire d'un supermarché, moi, là. Je suis pas un propriétaire, même pas terrien, moi, je suis souterrien. Souterrien, pas sous S-A-U-L, madame, c'est S-A-U-L. Elle se plaît là-dessus, hein? Elle trouve, elle gratte, la gratteuse, hein? Oh, la petite gratteuse, allez gratter, on va vous acheter de la loterie, allez gratter. Les gratteuses grattent, hein? L'hiver, ça gratte aussi. Ça m'intéresse pas, ce genre de monde-là. Là. Oh, loterie, ça m'intéresse pas. Là. Oh là là là là là. La chance. Les gens qui disent « Ah, c'est de la chance! » Il n'y en a pas de chance. Il n'y en a pas de chance. La chance n'existe pas. Faut arrêter. On est en 2016. Nous avons évolué. Chance zéro. Mets une barre là-dessus. C'est le travail, c'est la détermination, c'est l'entêtement. Je vais le voir, on le voit. Hein? Waouh. Puis t'es comme un rappeur, là. Mais tu rappes sans déraper. C'est facile, celle-là, là. Parce que tout le monde a fait un lien avec rap et dérape. Supermarché, la fille. Super joli. Mes discours très intéressants, vocabulaire sublimement choisi qui m'excite le tympan et surtout l'intellect. Quand ça m'intéresse, quand ça me titille l'intellect, c'est déjà parti. C'est gagnant. Puis. Et là, je me suis dit. More, soit digne de Rory. En même temps, c'est quoi être digne de Rory? C'est important de savoir, c'est quoi être digne de Rory? Digne de. Mais moi, j'arrêtais pas de me digner sur la. Pardon? Non, digner. Parce que la dignité, là, c'est quelque chose, c'est comme une prière, hein? Parce que tu veux paraître, parce que elle te connaît pas, fait que le paraître est très important, mais si elle ne fait pas partie du paraître, l'être l'intéresse davantage. Pas pire, là. Quand tu passes du paraître à l'être, il y a une grosse frontière que tu as déchirée, que tu as chiffonnée, puis que tu as placée dans la corbeille à papier. Parce que tu sais que c'est de là. Récupération, petit coffret brun. Un gros coffret brun. Puis les bruns, j'ai rien contre les bruns, là. Parce qu'on dit qu'on doit recycler nos salades de choux. Mon chou. Le chou. Les choux. Chou! Mais en même temps, c'est ça. Ça finit de même! C'est insignifiant! C'est ça. Ben oui. Mais je vais vous dire franchement pourquoi je vous dis c'est comme ça. C'est comme ça. C'est parce que le fil, Madame Thibodeau, je l'ai vu, avec ses ciseaux, j'ai jamais vu ce film-là. Tu sais, le gars qui a des ciseaux au lieu des mains, là. Puis malheureusement, il est accusé d'avoir frappé sa concubine, l'hémoglobine. Ben oui, un gars qui... Hey, ses blondes, ses anciennes blondes, hey, c'est quand même assez extraordinaire, là. Cette blonde-là, parce qu'elle est blonde vraiment, là. Bisexuelle, j'ai rien contre. C'est, au contraire, j'ai rien contre bisexualité. Moi, elle est ouverte à tout. Bon. Mais Johnny Depp, c'est ça, Johnny Depp. The Scissorhands, le film, le Scissor... Scissor... Pardon? Non, c'est un groupe, ça. Accelerizer. Un groupe électro-Accelerizer. Pardon? Arrêtez de dire pardon, là. Je vois devant moi, là, c'est écrit popcorn. Parce que j'ai acheté ça au magasin pas très cher. Mais c'est beau écrire popcorn, là, surtout quand tu vois du maïs soufflé au-dessus. Là. Oh, pop, pop, tu dis, ouais, j'ai pas pris la version francophone. Non, tu sais pas pourquoi t'as pas acheté la version francophone. Ben, je m'en doute. Ben, là, voici, dis-le. Ben, parce qu'il n'y en avait pas. Mais non, il n'y en avait pas. Les États-Unis, qui sont encore presque unis, pour le moment, nous vendent des affaires anglophones sans nous placer de l'autre côté. La version française, maïs soufflé. Ce serait bien plus beau de voir maïs soufflé avec des petits maïs qui s'essoufflent à force de monter vers le ciel. Oh, que c'est beau! Que c'est beau, c'est beau. Que c'est beau, c'est beau. Que c'est beau, c'est beau. Que c'est beau, c'est beau. Que c'est beau, c'est beau. La vie, la vie. Juste le vendredi. Oh, oh, oh, oh. Que c'est beau, c'est beau. Que c'est beau, c'est beau. Que c'est beau, c'est beau. Là, on va vérifier si la chanteuse... Attends, beu. La chanteuse? Chanteuse? C'est beau, c'est... Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On sait même pas ça... Allô? On sait même pas ça... Allô? C'est étrange. Que c'est beau, c'est beau. Que c'est beau, c'est beau. Bon, là, on l'a, madame. Là, j'ai arrêté le... Ben, on vous a fait ça en direct, malheureusement. Oui, allez-y. Allez-y. Que c'est beau, c'est beau. C'est très beau, OK. 1, 2, 1. En passant, on vous fait un succès. On vous fait un succès de l'automne à venir. Dans quelques semaines, c'est l'automne. Tout le monde va fredonner ça dans les rues. Il y a même des imbéciles en plein boulevard marcheront en chantant cet hymne extraordinaire que nous lançons ce soir, Errance Reynaldienne. On y va. Que c'est beau, c'est beau. Que c'est beau, c'est beau. Que c'est beau, c'est beau. Que c'est beau, c'est beau. Que c'est beau, c'est beau. En stéréo, que c'est beau, c'est beau. Que c'est beau, c'est beau. Que c'est beau, c'est beau. Que c'est beau, c'est beau. Que c'est beau, c'est beau. Et jamais trop haut avec vous, mes amis. Que c'est beau, c'est beau. Que c'est beau, c'est beau. Que c'est beau, c'est beau. Que c'est beau, c'est beau. Que c'est beau, c'est beau. Que c'est beau, c'est beau. Avec vous, mes amis. Que c'est beau, c'est beau. Que c'est beau, c'est beau. Le succès de l'automne. Tu m'as dit que j'étais fait. Pour une drôle vie, j'ai des idées plein la tête et j'en fais tout ce que j'ai envie. Tâche de la personne à la caisse le soir. Non, ça, ça n'a rien à voir, c'est au travail. C'est rendu que je dis au monde quoi faire pour faire avancer une entreprise. En tout cas, Monsieur le Président, Messieurs les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone. Errance Reynaldienne. Le bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Reynald le Néant Gagné. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraquétaines. Aux extraquétaines. Il y a des extraquétaines qui meublent notre société pour nous rendre encore la vie plus déraisonnable. Bravo pour les quétaines, en tout cas. C'est une histoire, le mot quétaine. Je vous le dirai un autre moment, un autre moment, un autre moment, moment d'aller bientôt. Là. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne se déroule à l'instant. Cet instant, c'est maintenant. Et puis ça, on l'a fait la semaine dernière. C'est un incroyable. 5 août 2016. 5 août, 5 août. 5 août. Moi, j'en ai juste deux. J'ai, parce que j'ai deux mentons. J'ai demandé d'avoir au moins deux coups. Un s'accroche à l'autre. Fait que, imagine-toi, ceux qui ont trois mentons ont-ils trois coups? Question à définir. Faites des recherches. Les universitaires, là, au lieu des toilettes, là, de vous amuser, là. Ou de connaître, on sait bien ce qui se passe là, hein, dans les toilettes, bon. Interrogez-vous là-dessus. Envoyez-moi ça à Rénal Québec. À commercial@hotmail.com. 20 lignes maximum. 2 fautes par ligne. Faut que c'est des universitaires, ils n'ont pas de formation encore. La francophonie pour eux, en même temps, aujourd'hui, le vendredi, parce que c'est vendredi, heureusement que tu sois vendredi, parce que c'est le moment où on peut vivre le vendredi. 5 août. On l'a dit 5 août. 5 août parce que moi, j'en ai deux. Arrête, tu l'as dit. Tu te répètes, mon pépette. Tu deviens un joli péto. Oh, joli péto. Toi et maintenant. Aujourd'hui, le vendredi. Laissons la musique nous envelopper. Mais avant tout, je veux vous proposer mon invité parce que ça vaut la peine. Parce que pendant 2 semaines, nous l'aurons comme un cadeau de fin de saison puisque... Après le 12 août, ce sera mes rencontres 2016. Oh! 2016. Parce que je parie. Ben, je parie que je suis parti à Paris, moi. Je parie aussi que j'ai passé aux douanes et revenu sans passer dans le petit coin. Mais peut-être que j'ai passé au petit coin. L'histoire est à suivre, là. Je ne veux pas vous voler des punchs. Puis je ne veux pas non plus que vous preniez trop de punchs pour plus vous souvenir. Hey, ma chaise est brisée. Hey, ma chaise est brisée. Oh non! Ben voyons donc! C'est de la... Je l'ai depuis 3 ans, mais c'est... En tout cas, on m'a examiné ça par par ma gynécologue. Il y a une fente. Il y a une fente. Tu sais, tu places le coude, là. Ils ont mis du marshmallow. De la guimauve. Excuse-moi, la francophonie. De la guimauve. Ils ont mis de la guimauve. Du cuir, de la guimauve, du cuir. Mais là, entre les deux cuirs, là, c'est comme ouvert. Peut-être aussi c'est une chaise familiale. Je sais pas, là. Je connais pas ça, mais j'ai pas fait une formation en chaisologie. Connaissez-vous ça, la chaisologie, madame? Ben oui, il y a des nouvelles. Il faut être à la fine pointe de tout, hein? Et puis l'université, à un moment donné, va s'ouvrir une formation, un bac. En chaisologie. Trouvez votre chaise et soyez heureux. Parce que, hey, on est assis souvent, couché aussi, mais moi, comme je suis insomniaque, couché pas trop longtemps, assis plus longtemps, mais debout, on s'en va! 5 août. Je rencontre avec vous jusqu'au 12, Léa Lepiconte. Très heureux de l'avoir vue. Mais avant de la voir, en 2015, là, j'avais vu mon ami, mon incroyable ami, le parolier d'Alain Bachung. Eh oui, celui-là. Et là, je prends le métro parce que je vais aller le voir à l'autre bout du monde, à Paris. À l'autre bout du monde, à Paris, c'est où? Ben, c'est à l'autre bout du monde. Là. Puis je voulais pas être en retard. Puis quelqu'un s'était tiré, ça c'est vrai, là. Sur la ligne 12, a voulu se suicider. Ben, il s'est suicidé parce que, ouais, il s'est pas. Non, il s'est pas manqué. Et puis, ils ont bloqué. Donc, j'ai fait le reste à pied pour prendre l'autre ligne de métro. Je suis arrivé à l'heure, imaginez-vous. Léa Lepiconte. La pratique de Léa Lepiconte est articulée autour de son corps. Celui-ci est l'axe. Et le départ de chacun de ses projets. Elle génère ainsi une réflexion plurielle autour de concepts précis qu'elle multiplie et chahute. Le corps, l'objet et l'image. Et là, je m'arrête, puisqu'elle vous en parlera mieux que moi. Oui. Tirez l'oreille. Mais pas trop, parce que ça va décoller. Ils n'ont pas mis assez de... C'est exactement. C'est... Oh, ça vient de Chine, hein? Fait que ça s'arrache facilement. Émission. Ça écoute. C'est... Mais c'est ça, ils n'ont pas assez. Vous avez compris. Il faut recoudre, hein? Mais 5 points, c'est pas assez. La semaine prochaine, ce sera 12 points, parce qu'on nous sera le 12 août. Mais maintenant, point final, émission, allons-y. Non, mais changez d'intro, putain, les mecs, quoi. Ça va jamais se vendre, qu'est-ce que vous? Moi, oh, moi, je suis pas comme vous. Moi, oh, moi, je suis quelqu'un de bien. J'ai tous mes points sur mon permis. J'embête pas mes voisins avec le bruit. Je gagne bien ma vie, je suis bien poli. Et en plus je suis humble. Moi au moins je respecte ma femme. Je lui fais jamais l'amour à part quand c'est prévu. Comme tout le monde je rêve de me branler devant mes gosses. Mais ça je le fais pas parce que je suis équilibré. Je bois pas, je fume pas. Et en plus je fais du sport. Mais alors, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde avec toi? Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde avec toi? T'as dit que rien qu'une salle d'attente pour le cimetière. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde avec moi? Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde avec moi? Et du coup moi j'attends tout seul avec un cancer. Boys. En ce moment, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'étais... Tu sais, j'ai exposé à Caen. Oui. Tu avais vu un petit peu sur Facebook. Oui, oui. Puis là, je prépare d'autres choses sur Paris. Enfin, j'avais beaucoup de... De quoi il vient? Ouais, de rendez-vous, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens veulent entendre un peu le projet que tu amènes, que tu proposes. Ouais, si tu veux, c'est des projets qui sont en train de se monter. Et vu que c'est les vacances, tout se monte pour septembre, donc... Ok, toi aussi, tu prépares comme tous les autres artistes la rentrée. C'est ça. Je pensais que vous étiez certains du milieu plus underground, pas embêté par ce genre de technicalité. Si tu veux, ça s'arrête pas vraiment pendant l'été, parce que moi j'ai 2-3 événements cet été. Donc c'est un peu un flux continu, quoi. Un flux volontaire. Pas toujours. Mais quoi? Tu sais, je t'ai amené. Oh, merci. Mais Léa, toi tu travailles, parce qu'on va te présenter, hein, c'est quand même important de mettre... Tu commences à d'emblée, là! Ben, veux-tu qu'on attend? Moi, c'est, peu importe, hein? Moi, je suis toujours prêt, je suis comme un scout, toujours prêt. Comme tu veux, oui, vas-y. Non, mais veux-tu qu'on relaxe un peu? Non, vas-y, je prends un truc à boire, peut-être. Ah oui, tu vois, ça fait du bien. C'est reposé, là. Après une chaleur aussi, mais c'était pire hier. Ouais. Ouais, c'était 40 ou... Ouais, 39 points que... J'ai vu que c'est 36, ouais. Ouais, mais ça a été plus chaud hier, presque 40. Alors, tu habites tout près? J'habite à Marcadet-Poissonnier. Non, mais oui! Ouais, tu vois. Mais oui, j'avais... Il y a 8 ans, j'avais une auberge de jeunesse dans ce coin-là. Uh-huh. Que j'aime beaucoup moins que celle actuellement. D'accord. Sur la rue Aristide Brouin, c'est vraiment... l'endroit, du coup, ouais. Je vais choper un cerveau. Oh, ouais, ouais. L'école, 40 ans? Oui. Non, 18h, voire 19h. Non, on va me chercher. C'était ma mère. Et je me disais pas, on s'en souvient. Mais j'aurais dit pas le c'est à 20 ans. Non, mais moi, c'était pas ça, mon père, quand il était. Et alors, as-tu demandé un rosé? Un mojito. Ah, ben oui, ben oui. C'est très féminin. Et en fait, tu. T'as pris connaissance comment de mon travail? Sur France Inter. Ah, ok. En fait, non, c'est France Culture. Mais à 23h. Ouais. Je faisais. Ça s'appelle Atelier. Oui, vas-y. Ouais, mais c'est France Inter, je suis passée. Ah, ça doit être France Inter. Ouais. C'était de chez Danser Ouvert la Nuit. Oui, c'était exactement. Ouais. Oui, oui, oui, oui. Il y avait ça et sinon... Mais atelier de création sur France Culture? C'était, attends, sur France Musique. Ah non, pas France Musique, j'écoute jamais France Musique. Ouais. Moi, c'est France Culture ou France Inter. Non, mais je peux pas te dire France Culture, non. Ou okay. Peut-être j'ai pas... Su que tu étais diffusé là. Ça arrive des fois. Oh oui, que ça s'entrechoque, ouais. Parce que c'est les mêmes radios, c'est la radio d'État. Donc, oui, puis en même temps, nous avons des amis en commun. J'ai rencontré beaucoup d'artistes multidisciplinaires qui travaillent en art brut, art abstrait, qui font aussi des créations éclatées. Et toi, tu es sur Montréal ou Québec? Québec. Québec. Je vais te raconter rapidement. je vais placer ma cassette, ça sera déjà fait. CKRL, celle-là, c'est la première radio associative francophone au monde. Au monde. Ah ouais. Et nous avons donné la chance à des groupes de radio comme Carbone 14 de prendre leur place. Mais nous, nous sommes nés en 74 et eux, 82-83. Donc, notre radio a amené des techniciens ici pour montrer les machines, la structure radiophonique qu'on pouvait offrir. Mais comme une radio libre est une radio éclatée, on était juste là pour diriger au niveau simplement de la technique. Et ça fait des La Fesse, ça fait des groupes... Mais toi, t'es jeune un peu, je sais pas si tu connais. Ça crée les Super Nanas. Ah ouais, ça me dit quelque chose. Ça. Voilà, Super Nana, qu'on peut réécouter en MP3 des anciennes émissions. Et tu te rends compte que c'est totalement déjanté. Donc tu m'as pas capté en fait à Québec, parce que j'y suis allée cette année. Pour une expo? Ouais, enfin... Enfin, ça se passait plus à Montréal, en fait. Ah oui, ok, c'est ça, moi, je suis allée de Québec. Ouais. Mais si tu veux, je suis branchée un peu avec Québec, avec le lieu, Richard Martel, ah oui, oh oui, je passe à okay. Vie. Ouais. Okay. Et tu l'as connu comment? Comment ça à s'est ton passé? Tour, tu l'as connu comment? Ben, en fait, j'ai eu, je sais pas si tu connais, mon ami s'appelle Joël Hubeau, il est artiste, oui. Et il est passé au lieu plusieurs fois, en fait. Ah oui, très belle place. C'est un ami vraiment de Richard, et moi j'ai monté un collectif de performance avec des filles, et Richard nous a invités il y a 2 ans. Et comment tu as trouvé la rencontre avec les Québécois? Super sympa, ouais. On est ouvert comme les Belges, hein? Non, mais c'est vrai. J'ai beaucoup d'amis québécois maintenant. Ok. Donc, tu vois. Alors, tu as goûté à la poutine? Ouais. Et tu es encore vivante? C'est quand même merveilleux. Elle donne un estomac de pierre. Je suis venue 5 fois déjà. Montréal, pardon? Québec. Ok. Ouais, une fois à Vancouver. Ah oui, ah, mais là, c'est loin, là, Vancouver. C'est anglophone. Anglophone. C'est moins bien. Beaucoup moins bien, mais nous, tu sais, j'ai pas à ressortir la cassette du Québec libre et pour une langue française. Je connais bien. Ok, bon, voilà. Okay. Alors, toi, ton travail est multidisciplinaire. Et puis, est-ce que je peux dire que dans certains ateliers ou dans certaines prestations que tu fais, tu attires la provocation? Ben, volontairement. Notamment à Montréal, j'ai fait une performance avec le drapeau québécois et le drapeau canadien que j'ai découpé. Mais c'était pas de la provocation premier degré, c'était vraiment une idée de les relier, de créer un espace avec. Je les ai étirés en fait en banderole. Mais sur le coup, ça a été un petit peu mal interprété. Oui, ben oui, oui, je comprends. Oui. Et c'était dans un contexte aussi amérindien. Okay. J'étais invitée par Guy Sioui Durand, sociologue amérindien. Et, donc c'était un petit peu ce contexte-là qui m'a amenée à en sorte élargir les drapeaux pour... Mais as-tu dû justifier ton œuvre une fois que ça a été présenté? Disons que vu que c'était vraiment une performance, les gens m'attaquaient pendant que j'étais en train de découper. Donc c'était assez marrant. Marrant, mais c'était bon enfant, c'était pas... Ouais, des fois, c'était... Ouais. C'était limite. Ouais. Les gens, je pense, très nationalistes. Mais oui, ben, comme moi. Mais est-ce que ça t'incite à aller plus loin, à finir ton œuvre ou à t'excuser ou ça fait absolument rien? Non, si tu veux, il n'y a pas d'excuse à avoir parce que ça part d'une mécompréhension et d'un... De toi ou de... Ou deux, je pense, ouais. OK. Donc, il n'y a pas d'excuse. Et, pourquoi ce serait eux? Ben, parce que si tu veux, c'est j'utilise les drapeaux vraiment comme un médium, donc c'est un champ hyper élargi. Je peux l'utiliser comme un objet formel, mais aussi symbolique. Enfin, je l'utilise pas au premier degré en fait. Okay. Ah, c'est pas... C'est une métaphore. Okay. Parce que j'utilise beaucoup de drapeaux français aussi. Là, j'ai fait une résidence. Relie avec quoi? Si tu veux, je les ai découpés, étirés, donc ça les a transformés en très longues banderoles, en fait. Mais c'est, c'était une métamorphose, c'était pas une destruction. Ok, mais drapeau français sur drapeau français, il n'y avait pas un autre drapeau. C'était drapeau québécois et drapeau canadien. Oui, Montréal. Mais toi, drapeau français, avec quoi, drapeau français? Non, drapeau français, j'ai fait une vidéo récemment sur l'île de la Réunion. Je ne sais pas si tu connais un petit peu, l'histoire, peu coloniale, etc. Oui, oui. Et j'étais en résidence un mois et j'ai travaillé avec un chien. Un chien? Un berger allemand. Okay, vrai, un petit peu comme dans les comment ça s'appelle, les chiens de surveillance. Oui. Et donc à la place, il y a des exercices qui consistent en leur... Enfin, on leur donne un drap, tu vois, et on teste leur... Ah oui, oui, mais ça, ils font ça pour les douanes. Je l'ai remplacé par un drapeau français. Et donc la vidéo est un petit peu provocatrice, mais... Si tu veux, à chaque fois, il y a un contexte. À la base, oui, mais qu'est-ce que tu reçois comme courriel? En fait, là, on ne l'a pas beaucoup diffusé. Ah, ok, ouais. Peur de quoi? Pour l'instant, on l'a diffusé vraiment sur l'île de la Réunion, où, si tu veux, ils comprennent le contexte, parce que, si tu veux, les esclaves, quand ils s'échappaient, ils étaient poursuivis par des chiens. Ouais. Donc, c'était vraiment ce rapport aux chiens, tu vois, qui est intéressant. Le côté historique de la chose. Aussi, tu vois, ouais, ce lien. Mais au départ, avant d'arriver à tes œuvres, tu as eu une formation. Est-ce que tes parents étaient dans ce milieu-là? Non, du tout. Mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Tu as fini ton bac? Ouais, donc j'ai eu mon bac et ensuite j'ai fait les beaux-arts à Dijon. Je suis de Bourgogne, tu vois. Oui, bon vin, très bon vin. Voilà, super. D'ailleurs, je faisais les vendanges, tout ça. Ah oui, c'est vrai? J'étais très branchée par le vin. Ok, parce que ta famille a des... Du tout, mais... Pourquoi? Parce que tu veux transpirer? Tu veux... En fait, si tu veux, c'est un milieu assez fascinant. Je me suis toujours intéressée au... Comme c'est physique. Je l'ai fait, moi, en champagne. Tu l'as fait? En champagne, parce qu'il y avait du champagne. Et toi, tu l'as fait pour le vin ou pour le... Si tu veux, c'était... j'étais très intéressée par voir les vignes le matin très tôt. Ok, t'as travaillé. En fait, c'était ton travail artistique. Aussi, ouais, qui pour commençait. Pour voir la couleur sur les grains. Et si tu veux, j'ai beaucoup travaillé avec des escargots, des animaux. Oui, je sais, tu t'enduis. Des insectes. Est-ce qu'on peut dire ça? Et donc, les... On reviendra sur les escargots, ok? Donc, quand je faisais les vendanges, si tu veux, j'étais au tri. Sur mon train, aucun bateau sur mon train, zap. Je cherche en vain la porte exacte. Je cherche en vain le mot exit. Je chante pour les transistors. Ce récit de l'étrange histoire. De tes amours transitoires, de belles au bois dormant qui dort. Je t'arrive, je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavots sur le pavé de l'amour. Oh, tu sais ces photos de l'Asie que j'ai prise à deux sur le hasard. Maintenant que tu n'es pas là, leurs couleurs vives ont pâli. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur, mais hélices.

Putain, qu'est-ce que t'en as chié? À peine rentré, c'était l'usine pour nourrir la femme et les cinq gosses. Putain, qu'est-ce que t'en as chié? Et en ce temps-là, on divorçait pas, on priait pour devenir veufs. Putain, qu'est-ce que t'en as chié? C'était mal vu d'être au chômage alors qu'en vrai c'est super cool. Putain, qu'est-ce que t'en as chié? Alors moi je dis merci vieux con, t'as vraiment eu une vie de merde. Merci vieux con de l'avoir gâché pour nous. T'as bien raison, on est tous des feignants maintenant. Le RMI et des capotes, ça nous suffit pour être contents. Ah bah oui mais bon, pour avoir du boulot, maintenant nous faut qu'on postule en Chine. Putain, qu'est-ce qu'on va en chier? Et pour trouver le moyen de recongeler tout le pôle Nord. Putain, qu'est-ce qu'on va en chier? Pour expliquer aux islamistes que c'est pas sûr que Dieu existe. Putain, qu'est-ce qu'on va en chier? Et pour tous les autres trucs qu'on n'ose pas encore nous dire. Putain, qu'est-ce qu'on va en chier? Alors moi je dis merci vieux con, t'as vu le bordel que tu nous laisses. Merci vieux con, en plus maintenant faut te payer l'hospice. Veuillez laisser cet endroit dans le même état que vous aimeriez le trouver vous-même. C'est con que t'as marqué ça uniquement dans tes shots. Thank you. écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL NF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Et je sauvais les insectes. J'étais à fond comme ça. Donc à la fin de la journée, j'en avais partout. T'aimes ça, hein? T'as-tu pris des photos? Non. Non, j'étais dans un pur esprit de sauvetage. Le sauvetage. OK. T'as eu une voix qui t'a dit « va sauver les vignobles ». J'ai toujours été très, très attentive aux animaux, aux insectes. Pourquoi? Mais en tout cas, non, mais on y reviendra plus tard. Tu y reviens. Tu as une formation. Après ça, mais pourquoi tu... Donc j'ai fait Dijon et ensuite j'ai rencontré Joël Hubot, qui est devenu mon ami et qui était venu faire un workshop au Beaux-Arts de Dijon. Ça veut dire quoi en français? C'est pendant une semaine, on invite un artiste qui vient faire une session de travail, tu vois, en sorte de résidence. Et c'était lié, si tu veux, à la performance. Donc j'avais jamais fait de performance. Et c'est vraiment par lui que j'ai découvert la performance, en fait. Et suite à cette rencontre, je l'ai rejoint à Caen, qui est une autre école d'art assez conséquente. Encore aujourd'hui? Parce que je sais qu'à une certaine époque, c'était reconnu. Oui, si tu veux, ça fait un petit moment que je suis partie, donc j'ai plus trop d'écho. Mais il y a beaucoup de créateurs qui ont sorti de là. Ouais, beaucoup. Très intéressant. Beaucoup formé par Joël aussi, parce qu'il est très interdisciplinaire, enfin il est super. Puis il crée les relations, le réseautage, justement avec Québec, et, etc. Oui. Il est interculturel. Ouais. Et si tu veux, après, je suis sortie très tôt des Beaux-Arts, j'avais 23 ans. Ben, j'ai mon diplôme jeune, okay, en fait. Ok, je pensais que t'en avais ras-le-bol. Non. Non, j'ai fait le bon parcours normal. Ok. Et après, si tu veux, j'ai fait les Beaux-Arts de Paris pendant 2 ans et demi. T'as terminé? Là, j'ai fini, ouais, ça fait 2 ans. Ça fait pas longtemps. Non. Et t'es toute jeune? Ouais. Enfin, plus trop maintenant, mais relativement. Ben oui. Mais moi, j'en ai 50, donc il n'y a pas de gêne. Et pas de soucis. C'est jeune aussi. Hein. Mais qu'est-ce qui t'a amené aux Beaux-Arts de Paris? Parce que tu avais déjà ton cheminement. Si tu veux, oui, quand je suis sortie de Caen, j'avais déjà ce réseau plutôt performance et underground, en fait. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai été dans l'atelier de Jean-Luc Villemoute, un artiste assez reconnu, même un peu international. Et si tu veux, il m'a vraiment aidée à créer un réseau parisien aussi. Et donc j'ai vite eu une galerie sur Paris, enfin travaillé, fait des voyages. Non, c'est très bien. Peut-être que ça concentre le son, on n'en parle pas. C'est vrai? Oui, je te dis. Et par Jean-Luc Villemoute, si tu veux, j'ai découvert un autre réseau, en fait. Et j'ai été aussi chez Michel François, un Belge. Peut-être que ça te... Donc si tu veux, Paris m'a vraiment permis de travailler, quoi. Ouais, puis de commencer à travailler. Ouais. Parce que quand tu es en province, en fait, c'est assez restreint. Quoi, ouais. Alors, quand tu fais une expo, tu en fais 2-3, ben après ça, c'est terminé. C'est fini, tu vois. Ouais. Il faut vraiment partir. Et Paris, c'est un peu l'étape. C'est la durée. Tu es obligé de passer à un moment donné. Et surtout, tu te fais connaître dans le 18e. Tu peux aussi faire quelque chose dans le 11e, dans le 18e. À Paris, oui, partout. C'est pas. Ouais, tu vois, c'est pas. Tu as des arrondissements, mais c'est vraiment pas sectorisé. Quoi. Non, vraiment. Mais qu'est-ce qui t'a amené à ça, à vouloir faire des performances? Étant jeune, est-ce que tu étais dans ta chambre à préparer? Non, mais je sais pas. Si tu veux, ça a vraiment commencé à Dijon. J'ai commencé à filmer des escargots. Fascination pour les escargots? C'est parti des escargots. À quel âge, ça? Ben, tu vois, 18 ans, quand je suis arrivée aux Beaux-Arts. Quoi, au lieu d'avoir des copains, tu avais des escargots? Si tu veux, plus jeune, j'étais plus branchée musique. Et j'ai commencé la guitare vers 15-16 ans et j'étais dans des groupes. Lesquels? Punk ou... Métal, métal. Je t'ai vu sur des photos sur un mur de pierre. Il y a un mur de pierre en arrière et t'es là avec ta guitare. Ouais, là, c'est, si tu veux, après, c'est... Après, on a monté un duo avec Joël, Stone et Charnel. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est plus poésie sonore, musique expérimentale. Est-ce que je peux avoir des extraits? Est-ce que tu peux m'envoyer ça? Ok. Pour que je puisse diffuser ça avec notre rencontre. Ouais, carrément. Ok. En as-tu beaucoup? Avez-vous beaucoup de trucs? Si tu veux, c'est plus des performances, donc on a peu de captation, tu vois. Ok, mais t'en as. Ouais, il y en a. Ok. Mais vous avez jamais pensé d'en disquer? Ou en tout cas d'envoyer des MP3? Mais c'est possible, je pourrais trouver ça. Ok, mais actuellement, vous pensez pas à faire de nouveaux trucs? Si, si tu veux, ça fait longtemps qu'on voudrait faire un disque en fait, un peu. Ouais, ouais, ouais, vois, réglo, comme tout le monde. 33 tours un peu. 33 tours. Un vinyle, tu vois. Okay, ça retour, ouais, le retour, c'est 33 tours. Alors, un objet, ça, tu vois, un peu décalé. Quoi. C'est pas un concept, ça serait un côté de du disque, l'autre côté, c'est un autre concept. Faut voir, tu vois. Okay. Alors là, t'es en. Mais c'est juste un projet comme ça, l'ensemble. Ouais. Hein. Okay. Mais qu'est-ce qui t'a amené à aller aux Beaux-Arts? Est-ce que tes parents voyaient en toi une artiste? Ou... Non, si tu veux, je. C'est assez abstrait, c'est en fait, je me voyais pas faire grand chose d'autre, tu vois, c'est vraiment un flou, quoi, ouais. Non, pas boulanger. Non, ouais, tu vois, c'est un peu flou. Dans un moment, un petit peu dans le vin, ça me. Mais c'est tout, tu vois, c'était assez vague. Mais qu'est-ce qui t'a amené au vin? C'est vraiment la région, tu vois. Tes parents ont déjà commencé à avoir une culture du vin, donc. Pas forcément, non, okay. Non, c'est vraiment le fait de faire les vendanges. Et après, j'ai eu un ami qui était vraiment vigneron, tu vois, qui avait son domaine. Et qu'est-ce qui te plaît, comme on disait tout à l'heure dans les vendanges, dans le fait de. C'est de vérifier comment les gens procèdent et qu'est-ce que. C'est plus, moi, j'étais plus dans un délire un petit peu alchimique, tu vois, l'alchimie du vin, tout ce qui est. Ben, toute cette chimie, tu vois, qui m'intéressait plus. Et puis après ça, tu t'es, vers l'âge de 17-18 ans, tu commences à filmer des escargots, Pourquoi pour aller plus loin dans la réflexion sur... Si tu veux, j'étais un petit peu dans un délire de... Tu parles souvent de délire, t'es une fille de délire? Dans un trip. Oui, mais t'es une fille de délire? Je sais pas, si tu veux, plus on avance dans le temps, moins c'est des. Finalement, moins ça paraît délirant, puisqu'on. On conceptualise. De son délire, on en fait sa vie, en fait. Tu okay. vois. Donc ça devient. Alors, délirant, mais. Les gens commencent à prendre ton délire au sérieux, donc il se passe autre chose, tu vois. Ok, c'est déjà moins. Tu te sens moins seul, tu vois. C'est oui, un ok, truc, ok. Il y a des gens qui se greffent à toi. Ouais. Tu commences à avoir un public. Ça va très vite, en fait. Ok, pourquoi? Par le côté original de ta personne, de tes prestations? Là, je peux pas te dire comment. Je peux pas te dire pourquoi, mais. Ça se greffe très vite. Puis j'ai eu de la chance de rencontrer voilà, des personnes intéressées. Aussi bien tu veux par quoi, des maisons, des entreprises qui voulaient te diffuser. C'est plutôt, si tu veux, vraiment le réseau amical. Okay. Progressivement, c'est mis en place. Et, par exemple, j'ai une prof au Beaux-Arts de Dijon, Lydie Jandy Panel, qui est vidéaste, qui a fait une grosse rétrospective à Montréal d'ailleurs, qui tourne pas mal ouais. là-bas. Ouais. Et, Il se passe des choses au Québec, hein? Mais oui, oui. Ouais. Si tu veux, elle a eu des plans, elle est prof, tu vois, de vidéo, et elle a eu des plans de commissariat d'exposition. Et c'est par elle que mes vidéos escargots, notamment, tu vois, ont tourné. Par elle, après, j'ai rencontré un ami qui... Mais on va expliquer aux gens qu'est-ce que c'est le concept escargot. C'est que tu laisses monter... C'est, chez nous, on appelle ça des bébites. Ces bébites-là, sur toi, sur ton corps, tu en disposes, tu es nu. Hein? Ouais. Et tu es sur le sol. Et des escargots sont placés à des endroits stratégiques ou partout, puis c'est eux qui se placent. Si tu veux, c'est un petit peu partout. Et ensuite, c'était l'idée que le corps devienne paysage. Est-ce que c'est toi qui les places ou c'est quelqu'un d'autre? Ça n'a pas vraiment d'importance, okay. Mais si tu veux, ouais, des fois c'est moi, des fois c'est quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas de mise en scène des non, escargots. Non, okay. Non, c'est vraiment assez brut. Et si tu veux, l'idée c'est vraiment de trouver des plans. Des plans où le corps n'apparaît plus comme un corps organique, mais devient vraiment paysage. Un pays. Ouais, une sorte sur de... lequel les escargots vont conquérir voilà, c'est ça. Un territoire. C'est ça. Plus l'idée de. Un petit peu à quelque chose d'assez lunaire, d'assez... Ce qui m'intéressait beaucoup, c'est le... Je travaille beaucoup avec des modèles, donc c'est pas moi souvent sur les vidéos. Et les gens vivent ça comme une espèce d'expérience, donc c'est assez drôle. Psychanalytique, vous avez leur corps, vous avez ceux qui trouvent répugnant un escargot, ça doit les... Si tu veux, t'oublies un petit peu ton ego et ton corps, et tu essayes de comprendre le déplacement et le fonctionnement des escargots. Et combien de temps ça dure, cette expérience-là? Si tu veux, c'est... Moi, je veux vraiment en tirer une vidéo, donc j'essaye de que ça dure assez longtemps pour pouvoir... Ouais. Entre une demi-heure, une heure. Est-ce que de la musique, est-ce que quelque chose ou il n'y a absolument rien? Si tu veux, ensuite, moi, je fais des enregistrements des escargots. Non, mais les gens qui regardent ça, si je passe dans un musée et je vois une prestation, est-ce qu'il y a de la musique, est-ce qu'il y a quelque chose? Ou c'est tout simplement la caméra, les gens n'ont pas accès? Si tu veux, si c'est une vidéo, c'est vraiment vidéo. Et si c'est une performance, il y a soit des enregistrements directs des escargots qui sont retransmis. Le son, ouais. Amplifié? Ouais. Je ne vais pas te demander qu'est-ce que ça fait un escargot, j'ai jamais entendu, mais est-ce que tu peux, c'est quoi, c'est... Quand ça mange, c'est comme un froissement de bonbons un peu... Ah oui, je l'ai entendu sur France Inter, il l'a dit plusieurs... Ok, oui. Mais c'est dégueulasse comme son. C'est ton avis, ça? Oui, c'est mon avis. Et c'est un petit peu une musique bruitiste, on est un peu dans le repeat, et en fait, ils ont des dents qui raclent, en fait.

musique en boucle. Est-ce que c'est dangereux pour la peau? Non. Okay. C'est plutôt très bon. Okay. C'est un petit peu... on fait des crèmes à base de bave d'escargot. Et, du coup, c'est mon argument phare pour convaincre. Non. À part les escargots. Si tu veux, ça a été une période, mais... Pourquoi il y a 2 ans? Si je me fie à ce que, j'ai commencé vraiment en 2007, okay. Et après, tu vois, ça a continué un peu dans le temps. Parce que c'est ton grand succès, c'est un peu ton « Je suis malade » de Saint-Flamand. Au début, ouais. Ok, mais aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est passé à autre chose. Mais on te le demande pas encore, quand on veut une performance, on dit « Oh ouais, je connais quelqu'un ». De temps en temps, ouais. C'est ça, alors c'est ton « Je suis malade ». Mais voilà. Mais si tu veux, je trouve des nouvelles formes, j'adapte. C'est-à-dire, tu laisses monter les escargots, c'est pas tu fais comme un sentier. Non, mais si tu veux, je m'adapte un peu au contexte okay. qu'on va me proposer. Je fais aussi des performances où je joue à la guitare, je les accompagne, le son, enfin tu vois, je fais toutes sortes de choses. Mais toi, tu peux jouer à la guitare, elle est allongée. Ah, c'est pas toi qui est... Non, des fois, tu vois, je les capte avec des micros, tu vois, au sol, et moi, je suis en son. Là, par exemple, sur l'île de la Réunion, j'ai travaillé avec les escargots géants. Et du coup, je cherchais des corps aussi à la peau sombre, métissée, etc. Okay. Et donc, ma nouvelle vidéo, c'est vraiment avec une peau très très sombre et les escargots énormes. Ok, parce qu'il y a des grosseurs d'escargots, je connais pas vraiment l'univers. Ah, tu connais pas. Okay. Toi, tu connais très bien. À la Réunion, ils sont énormes. Ok. C'est, le truc. Mon Dieu, c'est des tortues. Je pourrais te montrer des images, ouais, c'est vraiment. Oui. Géant. Et comment tu les prends ces escargots-là? Tu vas les chercher dans des endroits précis ou... Par exemple, j'ai été invitée à Montréal à faire une performance avec des escargots il y a déjà 4 ans, 5 ans. Et c'était pendant la canicule. Ah oui, et comme ici maintenant. C'était ça. Les escargots ont su ça un coup. Et la personne n'avait pas trouvé les escargots. Elle m'a dit, on va les chercher ensemble. Et j'ai vu, il faisait 40 degrés. Je lui ai dit, mais... Et en campagne ou en ville? Non, on est allé sur le parc, comment il s'appelle, tu sais, le mont... le parc est à Montréal. Tu sais, oui, le mont Saint-Hilaire. Ah oui, le mont, oui, voilà. Ok. Ok, ouais. Et en avez-vous trouvé? Et si tu veux, il s'est mis à pleuvoir et ils sont sortis. C'était vraiment miraculeux. Oui, mais ça vit où d'un escargot? Qu'est-ce que je pensais même pas qu'on avait dans. Ben, si tu c'est veux, comme des vers de terre? Non, dans les plantes, dans les. Ça s'enterre légèrement aussi, mais vraiment légèrement. Et toi, tu les reconnais en voyant un paysage, tu sais, ils sont là. Leur pays est là. Non, si tu veux, c'est un peu à chaque fois une expérience en soi de les trouver. Et de là, ok, mais as-tu voulu faire une genre de suite, mais de cette prestation-là, de cette grande performance-là que tu as lancée? Si tu veux, c'est comme tu disais, les gens repèrent et m'invitent pour ça. Donc après, c'est à moi de faire autre chose après et de te présenter autrement. Et là, ce qui était intéressant, c'est que c'était dans la rue. Et donc c'était assez intéressant parce que quand c'est dans la rue, je travaille en costume noir. Ok, tu restes. Donc c'est beaucoup parce tu vois, que tu sur, arrêter, la, sur les traces de bave, okay. etc. Donc si tu veux, il y a plein de. Modulation. Okay. Et j'ai fait aussi de la peinture. Mais il y a moins d'intérêt parce que tu sens moins l'escargot sur toi. Non, si tu veux, l'intérêt n'est pas forcément okay, l'expérience, de sentir l'escargot. Mais c'est plus visuel. Si tu veux, les gens, voilà, okay. le retour. Ok, c'est la relation entre l'artiste et le spectateur. Mais si tu veux, c'est la scène un petit peu incongrue, quoi, vraiment. Et aussi, les gens restent un peu scotchés. Alors que finalement, c'est des micros événements, quoi, hein, c'est vraiment très délicat. Et je travaille beaucoup sur cette idée aussi de changement de point de vue. Tu vois, on a l'impression que les escargots vont vite. Okay. On change d'idée sur eux. Oui. Comme Peter Gabriel a fait dans un de ses vidéos en tournant les trucs rapidement. Oui. Avec des fruits sur lui. Et qu'est-ce que tu voulais dire par là, à part le territoire, l'histoire du territoire à conquérir, les escargots doivent prendre leur place sur la terre, c'est ça? C'est plutôt non, c'est pas solennel, hein, c'est pas la conquête des escargots, mais c'est plutôt l'idée d'un de changer le rapport physique qu'on peut avoir avec des animaux, une animalité inférieure un petit peu. Ah tu non vois, non ok ok placer ça sur la même voilà, d'un seul coup on a un autre rapport avec ces animaux. Oui, c'est vrai. On change, tu vois, de perception. Oui. C'est plutôt cette idée là tu vois. Okay. Et toi, chez toi, as-tu des animaux? Oui, oui. Alors, quand je faisais ces vidéos, j'ai eu jusqu'à 500 escargots chez moi. Ok, tu élevais des escargots. Et en fait, si tu veux, ils ont commencé à manger tout le papier, mes dessins à la maison. Et du coup, j'ai commencé à amorcer une série d'affiches dévorées anonymes en référence aux affichistes. Ah, c'est beau. Tu sais, les affiches, la série anonyme. Oh, ouais. Et donc, j'ai une série d'affiches dévorées par les escargots. Donc, ça fait des sortes, tu vois, de dentelles, en fait. Alors, toi, tu es constamment dans la création. Quand tu vois une réaction autre que la tienne, c'est tu peux réagir. Je l'adapte, en fait. Tu peux aller plus loin là-dedans. Il se passe quelque chose. À chaque fois, ouais, j'essaye, tu vois. En fait, c'est un petit peu un fil que j'ai tiré, tu vois. Et qui m'a amené aussi après aux armes, parce que quand j'habitais à Caen, la ville a été détruite à 75%. Et pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et il y a des impacts de balles partout. À Québec, il y a encore des boulets. Il y en a un dans un arbre. Ah, j'ai pas fait attention. Ah, écoute, à Québec, la ville d'accord, de Québec, la ville de Québec. Okay, sur les plaines d'Abraham. Uh-huh. Il y a des canons, ok, mais c'est des canons, accessoires, puisque c'est même pas des canons qui viennent des Français, c'est des canons que l'on a achetés en Russie. Pour recréer le. Ça, je les ai vus, les canons. Ok, bon, c'est de la merde. Mais il y en a trois véritablement français. D'accord. Que vous avez apporté chez nous. Mais pas toi personnellement, les escargots. Mais qu'est-ce que tu veux véhiculer, toi, dans tes performances? Si tu veux, il n'y a pas de message particulier. C'est plus des intuitions, des désirs un petit peu, comment dire, complètement absurdes et tu vois, qui n'ont pas forcément de... Des désirs de quoi? De faire des choses, de... Créatif? Ouais, c'est pas vraiment, si tu veux, j'ai intellectualisé un petit peu par la suite beaucoup de choses, donc sur les escargots, sur mon rapport au monde, mais quand je fais des performances, il n'y a pas de message, quoi. C'est un terrain vague plutôt... d'expérience. Expérience pour faire réagir? Ou pas. Pourquoi tu veux faire réagir? Mais si tu veux, ou pas forcément. C'est pas vraiment... Moi, je fais mon truc et après... Sans penser aux gens qui vont les regarder, donc... J'essaye d'y... Un minimum, si tu veux, je fais une proposition et ensuite, les spectateurs sont libres de venir ou pas, de regarder ou pas. C'est pas... C'est pas l'idée d'un spectacle, tu vois, c'est vraiment vivre un moment, faire une expérience et... Lorsque tu prépares quelque chose, est-ce que tu demandes à des censeurs de vérifier si tes amis d'un cercle qui te suit, pourquoi tu vis? Non, si tu veux, non, parce que... Tu veux que ce soit authentique? Ben, toutes les histoires des drapeaux, etc., si tu demandes, on te dit non, quoi, on dit fais pas ça... Ok, alors tu veux surprendre de ta réflexion? Surprendre et surtout pouvoir le faire, parce que dès que tu commences à en parler... Okay, on peut dire on fait pas ça, puis... Ils vont te l'interdire. Ben, ou te bloquer, ou alors... Ça me fait penser au général de Gaulle, quand il a dit « Vive le Québec libre », il l'a pas mentionné avant, c'est après qu'ils ont décidé d'arracher le micro parce que la connerie a été lancée. Mais toi, c'est pas ça. Toi, tu veux voir la réaction, tu veux voir comment ça fonctionne, et tu veux aussi susciter une discussion. Je te dirais que susciter une discussion, oui, une réflexion, que les gens réagissent, mais c'est pas mon but principal. C'est pas vraiment, tu vois. Mais quel est ton but? Il y en a pas. Créer, faire ce que je veux, ouais. C'est vraiment la liberté. Super, tu vois, basique. La liberté. Si tu veux, le champ de l'art contemporain me permet de réaliser ce que je veux et voilà. Tu vois, sans limite. Par exemple, tu as dû voir aussi, j'ai travaillé avec des colombophiles, des éleveurs de pigeons. Et donc, à chaque fois, je vais aller dans un milieu qui est complètement étranger au mien et essayer de les infiltrer, de comprendre leur fonctionnement et de travailler, de collaborer. Donc, j'ai bossé avec aussi un boxeur en Thaïlande. Ben, j'ai collaboré avec Guy Sioui sur un plan amérindien aussi. On a replanté des drapeaux des nations amérindiennes à Calais. Et tu vois, c'est toujours... C'est le seul endroit où je peux aller voir tout le monde, expérimenter tout, si tu veux. En même temps, non mais j'écoutais parce que ce qui me plaît dans ta proposition, c'est que tu n'as pas de critères, tu n'as pas de vraiment de planning, tu n'as rien de préparé, tu vas à l'inspiration. Si tu arrives chez toi aujourd'hui et tu c'est vois ça. Quelque chose qui t'inspire, tu vas aller dans cette inspiration. Ça peut changer ça. Ça peut changer mon programme et c'est ça. Mais quand tu regardes depuis le début jusqu'à aujourd'hui, as-tu senti le fil conducteur ou tu te poses pas la question encore? T'es toute jeune? Je commence à sentir beaucoup de liens. Il y a une signature? Si tu veux, des liens qui se font naturellement, mais que de l'extérieur, les gens ne perçoivent pas, tu vois, directement. Mais toi, personnellement, mais moi, ça vient de toi. Oui, oui, évidemment. C'est quoi? C'est un mec qui fait du sport avec moi. C'est difficilement... Explicable. Mais si tu veux, j'ai fait... Elle est venue jusque chez moi. Elle a trouvé la porte ouverte. Elle a posé partout ses doigts. Elle s'est penchée à ma fenêtre. C'est là que de loin je l'ai vue. Au début je n'y croyais pas. Puis elle m'a vu quand j'ai couru. Est-elle donc passée par les toits, celle qui ne me quittera jamais? Celle qui jamais ne m'oubliera, celle qui ne me quittera jamais. Celle qui jamais ne me laissera en paix. Depuis longtemps je la connais. Enfant, on jouait dans les bois, tout près des tours où on vivait. Le soir, chacun rentrait chez soi. Peut-être déjà qu'elle m'aimait, et moi je l'aimais bien, parfois. Parfois pour jouer on nous mariait. Et elle me tenait fort le bras. Il fallait voir ses yeux à celle qui ne me quittera jamais. Celle qui jamais ne m'oubliera. Il fallait voir ses yeux à celle qui ne me quittera jamais. Celle qui jamais ne me laissera en paix. Depuis les années ont passé, et je n'ai pas quitté les tours. Et quand je rentre certains jours, dans chaque pièce je sens flotter un parfum d'ambre et de sous-bois. Et je sens une ombre glisser. Je revois ses yeux pleins de joie. Quand on jouait à nous marier, oh, fallait voir ses yeux à celle qui ne me quittera jamais. Celle qui jamais ne m'oubliera, oh, fallait voir ses yeux à celle qui ne me quittera jamais. Celle qui jamais ne me laissera, oh, fallait voir les yeux de celle qui ne me quittera jamais. Celle qui jamais ne m'oubliera, oh, fallait voir ses yeux à celle qui ne me quittera jamais. Celle qui jamais ne me laissera en paix. Alors, ça c'est ma chanson dédicacée à tous les terroristes islamo-kamikazes. Allez les mecs! Boum, c'est pour avoir le droit d'enfiler mille vierges. Boum, ton corps va faire boum. Mais quand même, tu crois pas que mille vierges, ça fait beaucoup. Surtout qu'une pucelle au bout d'un mythe, c'est pas vraiment de la dynamite. La clé du paradis, c'est la maturité. Rien ne vaut une bonne célibataire de 40 ans à te paumer. Des comme ça, y'en a plein, et crois-moi, elles ont faim. Donc pour les obtenir, y'a pas besoin de faire boum, boum, boum, boum. chagrin, comme tous les matins, je sortais du coma, lorsque soudain entra Thérèse d'Avila, l'ange de la Sierra. Tenant juste debout, je tombais à genoux, je voulus l'embrasser, sur mon cœur la serrer, mais elle est le sourit et nettement me dit: toi et tous les tiens, beauté, gloire et amour éclaireront vos jours. Fêtons l'avènement d'un riche événement, quand mon œil s'assombrit, je songe à ce qui lui. J'attends la joie, la gloire, la merveilleuse histoire. Fêtons l'avènement d'un riche événement, les signes d'allégresse, buvons le vin de messe. Chacun de nous tête et invitons la fête. Tout va aller très bien pour toi et tous les tiens. Beauté, gloire et amour éclaireront vos jours. Fêtons l'avènement d'un riche événement, regard chargé de sucre, champagne et autres trucs. Enivrons-nous sans cesse de vodka, de caresses. La visite, le cognac, la croisite, le rhum et le bourbon. Alors nous accueillons un feuilleton de roi. Nous ne dessoulons pas. Toi et tous les tiens, beauté, gloire et amour éclaireront vos jours. Fêtons l'avènement d'un riche événement, enlaçons nos corps chauds, coûtons les chairs, les peaux. Vive l'ivresse, enfin, et l'amour s'ouvre. J'ai écrit un texte qui s'appelle L'esthétique sécrétionnelle. Et c'est un petit peu l'idée que je suis partie des escargots, un peu de la bave, etc. Un petit peu comme sorte de métaphore de l'artiste qui va s'imprégner de tous les contextes. Qui va visiter, qui va créer des objets au monde, en fait, qui va amener des objets, qui va amener des. Tu vois, c'est un petit peu ça qui relierait, en fait. C'est une sorte de fil. Conducteur. Et si tu veux, par exemple, tout ce qui est. Ben, mon travail avec les escargots, les animaux, il y a un côté un petit peu cosmique, un petit peu. On va dire. Non! un certain endroit spirituel, mais tu vois, vraiment lointain. Oh, ouais. Et à travers mes projets mystique, avec les armes, mystique. Ouais, un petit peu, tu vois, une ordre de l'expérience, un petit peu. Et dans toutes mes pièces avec les armes, j'ai essayé de rebasculer les armes et les signaux violents dans un champ un petit peu aussi... spirituel, etc. Alors toujours ambigu, tu vois, toujours. Mais tu joues souvent, même depuis le départ, sur l'ambiguïté. C'est toujours à la limite, on est à la limite. Sur le fait de rendre le spectateur inconfortable. Ouais. Tu aimes le côté provocation de l'œuvre vis-à-vis du spectateur. T'es comme Antonin Artaud. T'es une provocatrice. Disons que c'est pas toujours conscient, mais au final... Mais souvent, voilà, sur les concerts, pas mal conscient. Au final, j'admets. Oui. Mais est-ce que tu fais une différence, toi, entre l'art actuel et l'art brut? Si tu veux, je me sens très proche de beaucoup d'artistes bruts qui créent avec des débris d'armes, avec des... Mais si tu veux, c'est vrai que dans ce que tu entends par art actuel, il y a cette distanciation. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment une distance. Donc, chaque objet, chaque réalisation, il y a une part de moi-même et c'est très distancé. C'est vraiment... je ne le confonds pas avec moi-même, en fait. Comment tu fais ? Si tu veux, même des fois, une fois que c'est réalisé, je me dis, tiens... Ah oui, c'est pas mal, ou je le regarde sous un autre angle. Ou Tu peux commencer à travailler, puis aller dîner, revenir après, il n'y a pas de problème. Puis si tu veux, je sais que l'objet n'est pas moi. Si on va critiquer une vidéo ou quelque chose, c'est pas moi-même. Alors que c'est un nouvel objet qui existe au monde, mais... Qui n'est pas de toi. Qui n'est pas, voilà, pas relié forcément à moi, alors bah, que... Qui vient de toi. Oui, mais si tu veux, les artistes bruts, c'est vraiment... Ils ne peuvent pas faire autre chose que ce qu'ils font. Il y a peu de... Ah, tu peux répondre si tu veux. Hein. C'est le téléphone qui sonne. Non, je fais un montage. Oh. Okay. Si tu veux, il y a peu de... Il y a peu de choix. Il y a cette idée de thérapie. Alors que moi, c'est pas... je suis pas dans cette idée de thérapie, tu vois. Non, vas-y, je t'ai... Ok. Alors tu vas arrêter ça comme ça? Tu vas arrêter ça, l'art brut et l'art actuel, c'est... Ah non, pas forcément, non, non. Mais si tu veux, la différence que je peux faire, si tu veux, je m'en sens très proche. Dans les réalisations, des fois dans l'esprit qui est frontal et qui va être... Mais tu es consciente de ton art, contrairement à l'art brut où souvent on parle d'un délire psychotique. Qui est, voilà, psychotique, etc. Là, je mets quand même cette distance et cette intellectualisation. Tu vois, comment qui... tu peux faire? C'est une technique que l'on t'apprend aux Beaux-Arts ou il n'y a pas de technique? C'est ton équilibre psychologique, toi? Ben, si tu veux, pas vraiment. J'ai la sensation, tu sais, que c'est un peu de la philosophie appliquée. Que j'ai des idées et okay. Que je vais les mettre en forme. Que je pars un petit peu, je vais partir un petit peu de concept. Et des fois, la réalisation va être très éloignée, si tu veux, de l'idée de base. Oui, entre ce qu'il y a là et ce qu'il y a là, il n'y a pas de... Ouais. Et des fois, ça peut être un attrait purement formel. Mais si tu veux, l'attrait purement formel, il est aussi quelque part intellectualisé. Un petit peu formaté par, comme tu disais, peut-être des études, peut-être l'histoire de l'art. Est-ce que c'est un carcan, les études? Pour ne pas pouvoir exploser, se retenir tout le temps au cartésianisme de l'institution, le côté institutionnel. Si on tu forme veux... des artistes formés, pourquoi pas? Brel disait, j'apprends à désapprendre mon enfance, peut-être désapprendre tout pour pouvoir revenir tout sous une autre forme plus... Si tu veux, ce qui est compliqué, c'est que moi, j'ai, enfin compliqué et ce qui fait ma force, c'est que j'ai tout de suite été dans l'art, si tu veux. En deuxième année, j'ai commencé à exposer, j'ai commencé à l'extérieur. Et si tu veux, j'avais un regard critique de l'enseignement déjà quand j'étais dedans, en fait. Donc j'avais une posture un peu, tu vois, différente. Ok. J'étais déjà dans le bain, t'avais déjà. J'étais distancée. Et en fait, si tu veux, j'ai eu beaucoup d'amis rapidement du milieu et plutôt. Plutôt beaucoup plus âgés que moi, Esther Ferrer, Charlemagne Palestine, enfin des gens, des générations Fluxus, etc., tu vois, qui ont 70 ans. Joël m'a beaucoup présenté tout son cercle d'amis. Mais qu'est-ce que ça fait d'être une jeune fille parmi les plus anciens? Est-ce que tu te vois comme une créatrice d'avant-garde? Si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que je m'inscris aussi, je ne sors pas de rien, je ne suis pas ex nihilo, comme beaucoup de jeunes artistes qui pensent sortir, tu vois, sortir et inventer tout, je sais un petit peu d'où je viens, je connais bien, tu vois. T'es bien ancré. C'est ça. C'est un peu la différence, en fait. Est-ce que le fait d'être ancré... Et j'ai leur regard sur moi. Et du coup, si tu veux, c'est très... c'est très agréable et en même temps, j'ai une pression. Oui, ben oui, ben là, ouais, tes pères sont là. Donc tu vois, quand j'ai commencé à travailler sur les obus, par exemple, j'ai envoyé mon dossier à Jean-Jacques Lebel. J'ai toujours eu ses retours, si tu veux. Tu voulais avoir sa réaction. Je voulais savoir, alors que la plupart des jeunes artistes, ils méprisent un peu, tu vois. Dans les mois, ils veulent rester, ah, c'est des vieux cons. C'est ça. Ouais. Que moi, je me suis toujours inscrite, tu vois, avec les générations précédentes. Et tu verras aussi, un petit peu dans tout mon travail, je vais voir d'autres générations. Toi, les colombophiles, c'était les gens vraiment, les retraités, tout ça. Je travaille beaucoup avec des armuriers. Crois-tu que tu les inspires et ils t'inspirent? Ouais, c'est mutuel. Ouais. Ils te le disent? Oui. C'est une bouffée d'air frais? Ben, si tu veux, les colombophiles, suite à ce projet, donc on a disposé des micro-caméras sur des pigeons et on a filmé la ville avec... les pigeons ont filmé la ville. Tu vois, c'est toujours cette idée, nouveau point de vue sur les animaux. Là, c'est les animaux deviennent réalisateurs, en fait. Et, un peu comme un vidéoclip à Québec, au Québec. Est-ce que tu sais? Non? Peut-être, dis-moi. OK, c'est une chanson et on a placé 12 chats avec une caméra et c'est eux qui filment. Ah, excellent. Non, je ne connaissais pas. OK. Et si tu veux, les... Et souvent, quand on voit un chat filmé, il filme un autre chat, donc ça passe, on fait des pondus comme ça. C'est excellent, tout à fait extraordinaire. Ouais. Ben c'est très bon réalisateur pour ça. Là, si tu veux, ce qui m'intéressait avec les pigeons, c'était cette idée du drone, parce que je travaille beaucoup sur l'armement, la surveillance. Pourquoi? C'est une réaction antimilitariste? Alors, il y a ce côté-là, ouais. Antimilitariste, mais il y a aussi cette... je suis en pleine période, tu sais, on est en pleine période de commémoration des guerres. Toi, personnellement? La France, oh, la France, okay, l'Europe. Aussi personnellement, oui, ok, ok. Ouais. Moi, non, je les commémore pas. Ok, mais... non, mais des fois dans ta tête, je sais pas, l'escargot, ah, c'était là, oui. Et si tu veux, il y a... Alors donc, tu t'inspires de ce qui se passe aussi dans ton pays? Il y a eu cette histoire de commémoration, ouais. Et je me suis dit, donc j'ai étudié les pigeons voyageurs conservés pendant la guerre, etc. Et j'ai fait le lien avec les drones actuels, en fait. Et donc, cette pièce est un peu, tu vois, toujours, on synthétise une histoire ancienne avec quelque chose d'archi-contemporain. Et pour en faire quelque chose d'absurde et de très, tu sais, basse technologie, parce que c'est vraiment des caméras pourries, etc. Tu sais, ça m'intéressait pas mal. Et on filme. Chez Calais, c'est très spécial. Il y a les migrants, il y a tous ces problèmes sociaux. Et on va filmer. Les pigeons ont accès à toutes ces zones, en fait, interdites au public. Eux sont libres. Le tunnel sous la Manche. Donc on a vraiment des images assez incroyables de ces no-go zones, on a entendu parler. Oh, oui, oui. Donc je suis un peu, tu vois, dans tout cet esprit-là. Et ton travail... arrive à te faire voyager partout, et c'est ça le plaisir. Ouais. Et quelle réaction de certains pays te titille, te dérange, te frustre peut-être? Est-ce que tu as été censuré dans certains pays? Il y a eu, en fait, je devais exposer en Angleterre, et c'était la pièce des médailles. Oui. C'est, tu veux que je la décrive? Ben oui, ben oui, parce que moi je la connais. Donc en fait, ça s'appelle Dripping Medals, et c'est une pièce en fait... Pourquoi en anglais? Parce qu'il y a une expression anglaise qui s'appelle Dripping of Medals, qui veut dire littéralement ployer sous le poids de ses mérites. Tu vois, sous le poids de... C'est vraiment quand les militaires ont trop de médailles, tu vois. C'est, oui. Ouais. Et aussi, c'était une référence au dripping de Pollock. Ok, oui, ben oui. Sur les coulures. Oui. Et donc, c'est une pièce, ce sont des médailles militaires qui viennent de tous les pays. Donc, ennemis, amis, alliés ou non, etc. Toutes les guerres. Donc, ça va de Napoléon à la période actuelle. Et en fait, j'ai acheté du ruban au maître auprès de vrais fabricants de rubans de médailles. Et je les ai allongés. Loin de moi l'idée de te ramener en arrière. Loin de moi l'idée. Les vieux murs d'église et la boue l'hiver. Oh, je sais, que tu as donné. Mais tu appelles si peu souvent, on finit par se demander. On s'inquiète un peu plus qu'avant, et sans vouloir te déranger, si tu pouvais passer nous voir, passer nous voir. J'imagine que le temps te manque plus qu'à nous, avec toutes ces mains serrées. Ici c'est pas le temps qui manque, souviens-toi. Au village on peut le toucher. Pourtant il passe même ici, tu verrais à quoi je ressemble. Quand on a tout le temps d'attendre, on ne peut pas croire qu'on vous oublie. Si tu pouvais passer nous voir, passer nous voir. Si tu pouvais passer nous voir, passer nous voir. Si tu chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.